Je veux ce que mon voisin a. Enchaîné à cette obsession, je danse sur un air de mazurka au point de sombrer de mes fondations. Tiraillé de l'intérieur par cette force qui anime mon fanatisme, excité de l'extérieur, je suis voué à écumer mon antagonisme. Toutes ces choses que je convoite caressent cette capsule palpitante, cette chose barricadée dans une boîte et qui aiguillonne cette poussée virulente. Tiraillé de l'intérieur par cette force qui anime mon fanatisme, excité de l'extérieur, je suis voué à écumer mon antagonisme. Acculé par mon ardeur passionnelle, ce simulacre d'allégresse clandestin où chavirent mes tentations plurielles, active avec une convoitise tragique ma fin. Tiraillé de l'intérieur par cette force qui anime mon fanatisme, excité de l'extérieur, je suis voué à...